السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، الجمعة الماضية تحدثنا عن سيرة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بعض الأحداث التي حصلت قبل الحديبية والليلة نتمم ما بدأنا إن شاء الله تعالى la semaine passée. بفضل الله تبارك وتعالى nous avons cité certains événements qui ont eu lieu avant Al-Hudaybiyya. Et ce soir, Inch'Allah Ta'ala, nous allons compléter cela. Et nous sommes arrêtés, si mes souvenirs sont bons, sur Sariyatu Abdillah ibn Rawaha. Ibn Rawaha, il a lieu Sayyid. فالسرية السادسة سرية كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه إلى العرانيين. La sixième expédition envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle de كرز ابن جابر الفهري lorsqu'il a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ila al-uraniyin. Wa hadhihi as-sariya hasalat fi as-sanati as-sadisa min al-hijra. Qala ba'dhum fi shahri Shawwal wa qala akharun ghayra dhalik. Et cette expédition a eu lieu en l'an 6 après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit durant le mois de Shawwal et d'autres ont mentionné d'autres mois. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith et on nous dit dans ce hadith qu'ils étaient 8. Ils étaient 8. Donc un groupe de personnes est arrivé. Ils étaient au nombre de 8. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa bay'ahu 'ala al-islam. Ils se sont convertis à l'islam. Wa lamma atawhu shakaw ilayhi al-marad wa al-ju'. Et lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont plaints à lui de la maladie, ils se sont plaints à lui de la faim. Wa qalu lah kunna ahla dar' ay mashiya wa lam nakun ahla rif ay zar'. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous venons d'un peuple qui était Amada, qui avait du bétail, et nous n'étions pas des Amada, des cultivateurs. Alors, contrairement aux gens de Al-Madina. Wastawkhamu Al-Madina. Et ils sont tombés malades suite au climat de Al-Madina et à la fièvre de Al-Madina. Et lorsqu'ils sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très maigres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé de rejoindre le yani son ra'i, l'homme qui avait ibil sadaqa. Il leur a conseillé de rejoindre cet homme, de boire du lait de chameau, des chameaux, et également de boire de l'urine de chameau, car il y a en cela un remède. Et l'urine de ceux qui nous est licite à la consommation et mada n'est pas impur. L'urine des bêtes qui nous sont licites à la consommation n'est pas impur. Alors, ces bédouins ou ces personnes ont suivi la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à obtenir la guérison d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à obtenir la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez-vous qu'ils se sont montrés reconnaissants envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant cela envers Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui les a guidés à l'islam? Voyez leur agissement par la suite. Ils ont donc rejoint le Mada, cet homme. Ils ont mangé, ils ont bu. Allah Azza wa Jal les a guéris. Par la suite, قَاتَلُوا الرَّاعِي وَارْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ. Par la suite, ils ont apostasié, ils sont sortis de l'islam. Ils ont assassiné cet homme et ils ont volé les chameaux et se sont sauvés. Ils sont sortis de l'islam, ils ont mécru. Deuxièmement, ils ont assassiné le berger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, ils ont volé les chameaux de la sadaqa. Et ils se sont enfuis. Le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu connaissance de cette triste nouvelle. Il a donc envoyé un nombre de ansar à leur recherche, avec un guide savant des traces et des chemins. Donc, ces gens-là se sont montrés très ingrats. Au lieu de remercier Allah Azza wa Jal pour cette guidée, puis de se montrer reconnaissant envers les serviteurs d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, ils ont assassiné le berger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont mutilé, ils ont volé et se sont sauvés. Wal'iyad billah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela le lendemain matin, ba'atha talab fi atharihi. Le prophète alayhi salat wa sallam a donc dépêché un groupe de Ansar, une vingtaine de jeunes hommes, et à leur tête Kurz ibn Jabir, wa arsala ma'ahum 20 shabban min al ansar, et donc accompagné d'une vingtaine ou bien de 20 jeunes hommes parmi al ansar. Faqabadu alayhim, ils les ont attrapés et les ont ramenés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa amara bihim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa samaru a'yunahum ay qafa'uha. Premièrement, وبعد ذلك أيضا قطعوا أيديهم وقطعوا أرجلهم ثم تركهم في الحرة حتى ماتوا على هذه الحال. وقال كثير أو جمهور أهل العلم بأن آية المائدة نزلت فيهم. أينما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. Donc ces gens-là, lorsqu'ils ont été rattrapés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé et on leur a percé les yeux, coupé les membres, yani mains et pieds, et on les a laissés dans un coin de Medina. Ils sont décédés ainsi, car ils avaient trahi et ils avaient assassiné. Quant au verset, le verset 33 de Suratu Al-Ma'idah, قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض قالوا نزلت فيه وذكر العلماء غير ذلك وذكر آخرون غير ذلك أن تقطع أيديهم وأرجلهم. نعم. ثم بعد ذلك سرية أبي عبيدة ابن الجراح. Après cela, la huitième, oui, la septième et dernière sariya avant Al-Hudaybiyya, la sariya de Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Ahadi al-Mubashari bil-Jannah, l'un de ceux qui ont été promis au paradis, dans le hadith qui mentionne 10 compagnons d'affilée Allah Azza wa Jal, à qui Allah Azza wa Jal a accordé le paradis. Ce sont donc les meilleurs de l'ensemble des compagnons. Il n'y a pas que 10 personnes parmi les Sahaba qui ont été promis au paradis, si ce n'est que ces 10 personnes ont été citées dans le même hadith. Ces 10 personnes ont été citées dans le même hadith. C'est pour cela qu'on les surnomme les 10 promus au paradis. La Sariya de Abu Ubaida ibn al-Jarrah est surnommée Sariyatul Khabat. Al-Khabat. Sariyatul Khabat, on l'appelle aussi Sariyatu Sif al-Bahr. Al-Sif, c'est Sahil, c'est la côte. La côte de la mer. La côte de la mer, car c'est le lieu sur lequel ils attendaient la caravane de Quraysh afin de les affaiblir dans leur économie. Et ça a également été surnommé, cette bataille, ou bien cette Sariya, cette expédition a été surnommée Sariyatul Khabat, car El Khabat, ce sont les feuilles qu'on fait tomber en tapant dessus avec le bâton. Naam, et on verra qu'ils sont arrivés à un moment de faim extrême où il n'y avait plus rien à manger alors qu'ils étaient 300. Ils se sont donc mis à taper sur les branches qui laissaient donc tomber leurs feuilles, et ils mettaient de l'eau avec cela et mangeaient cela. Alors qu'à la base, on donne cela aux chameaux, mais ils n'avaient plus rien à manger. Ils mangeaient une date par jour. Ils sont arrivés à un niveau où ils mangeaient une date par jour. Radiallahu anhum. Hadi al-Sariya waqa'at qabla ghazwati al-Hudaybiyya. Cette Sariya a eu lieu avant Ghazwatu al-Hudaybiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 300 cavaliers sur la côte afin de surveiller l'arrivée d'une caravane de Quraysh, et cela pour les taper dans leur économie et les affaiblir. أن أثناء الطريق ماذا فني الزاد وما عنده. En chemin, ce qu'il possédait, yani, s'est écoulé. Il n'avait plus à manger. À la base, ils sont partis avec l'équivalent d'un sac de dattes chacun. Ils étaient 300. Et en chemin, il ne restait plus grand-chose. Alors Abu Ubaida radiallahu anhu a ordonné à ce qu'on réunisse les provision de chacun. Et lui, il leur donnait un peu chaque jour. Il donnait à chaque cavalier un peu chaque jour. Et au final, il restait tellement peu qu'il donnait une date par jour. Il leur donnait une date par jour. Le tabi'i, lorsqu'il a entendu cela, il a dit à Jabir, radiallahu anhu, au sahabi qui lui raconte cela, mais qu'est-ce que pouvait faire une date par jour? Le sahabi lui a répondu, le jour où il ne nous restait même plus une date par jour, on a su quel était le bienfait d'avoir une date par jour. Non, il y a ni une date par jour. Celui qui a entendu ça a dit, mais qu'est-ce que pourrait faire? Il y a ni une date par jour. Et il lui a répondu, et à la fin, on n'avait plus rien. Même cette date par jour, on ne l'avait plus. Et à ce moment-là, on a su le bien que c'était d'avoir ne serait-ce qu'une date par jour. Et ça, c'est une grande faïda. C'est que la ni'ma, elle peut ne pas être considérée à sa juste valeur lorsque tu vis dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque on t'enlève une partie de ces bienfaits, à ce moment-là, tu te rends compte comment était, yani combien était considérable le bienfait que tu avais auparavant, que ce soit dans din ou bien que ce soit dans ad-dunya, que ce soit dans din ou que ce soit dans ad-dunya. Par exemple, dans din, dans certaines villes, ils ont par exemple un cours par mois. Ils ont un cours par mois. Ceux qui ont aucun cours disent ils hum fi ni'ma, sont dans une ni'ma. Et ceux qui ont cours deux, trois fois par semaine disent, mais un cours par mois, ça sert à quoi? Peut-être. Non? Puis ces gens-là, lorsqu'ils perdent la capacité, ou celui qui faisait le cours n'a plus la capacité, ou autre, ils disent, subhanallah, c'est une ni'ma azima, un cours par mois. On aurait tant aimé avoir un cours par mois. Non? Ou bien, les gens disent, il faut des durous, il faut des durous, il faut des durous. Non? Ou bien, il n'y a rien dans telle ville, ou il n'y a rien dans tel endroit. Puis lorsqu'il y a des durous, eux-mêmes n'en tirent pas profit. Puis lorsqu'il n'y a plus de durous, ils disent, subhanallah, on aurait tant aimé qu'il y ait des cours pour pouvoir y assister. Donc, al-ni'ma, lorsqu'elle est présente, il faut la considérer. Pourquoi? Pour pouvoir être reconnaissant envers Allah. Et celui qui ne voit pas le bienfait, comment est-ce qu'il pourrait être reconnaissant? C'est pour cela que je trouve fait sunnah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque matin disait, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ou bien dubura kulli salah, plutôt dubura kulli salah, na'am, avant le taslim, avant la fin de chaque salat, il disait, oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à être reconnaissant envers toi et à convenablement t'adorer. Et à convenablement t'adorer. Donc en chemin, leurs provisions se sont terminées, au point de manger une date par jour. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette date? Ils nous disent qu'ils mettaient une date dans leur bouche et ils buvaient de l'eau par-dessus. Ils mettaient une date dans leur bouche et ils buvaient de l'eau par-dessus. Et ils patientaient ainsi jusqu'au soir. Ça, c'est le hal, l'état de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils possèdent tellement peu de choses qu'ils arrivent à une situation où ils mangent une date par jour. Par la suite, même cette date, ils ne l'avaient plus, car il n'y avait plus rien. Ils sont arrivés à un niveau de faim où ils se sont dirigés vers des arbres. Ils se sont dirigés vers des arbres et de leurs bâtons, ils tapaient les branches pour que ça fasse tomber les feuilles. Ils mettaient de l'eau sur les feuilles et les mangeaient. Alors qu'à la base, on donne ça aux chameaux. À la base, on donne cela aux chameaux. Mais eux n'avaient que ça. Alors ils ont mangé. Au final, Abu Ubaïda radiallahu anhu a ordonné de sacrifier certaines montures. De prendre un chameau, deux chameaux, trois chameaux, et ils les ont sacrifiés. Ils ont mangé cela un certain temps. Par la suite, ils ont sacrifié un chameau, deux chameaux, trois chameaux. Et ils ont patienté avec ceux. Une troisième fois, un chameau, deux chameaux, trois chameaux. Et ils ont patienté avec ceux. À la fin, Abu Ubaïda, de peur de voir yani, les gens au final sans monture. Parce que si on sacrifie les montures, au final, comment est-ce qu'on va repartir ainsi de suite? Ça sera problématique. Il a donc interdit cela. Il leur a dit de ne plus sacrifier de bêtes. Il leur a dit de ne plus sacrifier de bêtes. Ils sont alors arrivés à destination. Dans cette grande difficulté, dans cette grande épreuve, qui n'est pas une naqisa chez Sahaba, mais bien au contraire, ça nous montre leur endurance, leur détermination, leur affermissement par Allah Azza wa Jal, la makruma qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé, et Allah les a élevés par ses mawaqif. Allah Azza wa Jal les a élevés, anoblis par ces situations, et tu ne trouves pas un hadith où tu les verras se plaindre. Ils passent par des difficultés qu'on peine à imaginer seulement, mais tu ne trouveras pas qu'ils se plaignent. Ils ne sont pas chez eux avec une seule date. Ils sont à l'extérieur, à la rencontre de Quraysh, avec une seule date. Puis ils n'ont plus rien et ils mangent des arbres. Ils mangent des feuilles des arbres. Et tu ne trouves pas un qui se plaint. Mais par contre, dans les maisons de certains d'entre nous, tu peux trouver des hommes ou des femmes ou des enfants qui ont vu leurs parents se plaindre auparavant, qui se plaignent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tel jus. Non, ils ont tel autre, mais ils veulent tel autre. Alors ils se plaignent comme s'ils n'avaient plus rien. Hein? Ou ils n'ont pas telle boisson, ou bien ils n'ont pas telle nourriture, ou ils n'ont pas telle chose. Subhanallah. Où sont-ils des yali de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sira des compagnons? Non. L'enfant qui a étudié sira, tu ne trouveras pas se plaindre parce qu'on lui a posé telle chose à la place de telle autre. Et là on parle de ceux qui ont, on ne parle pas de ceux qui n'ont pas. Les sahaba radiallahu anhum sont à l'extérieur, ils sont dans cette situation. Est-ce que tu entends l'un d'entre eux dire, il nous est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auparavant on était comme cela, regardez maintenant, on mange des feuilles. Et non, ça c'est la parole des munafiqin. Les sahaba radiallahu anhum, ils ont pleinement la certitude dans la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna ma al usri yusra. Et sans aucun doute, après la difficulté, il y a la facilité. Savez-vous ce qu'il s'est passé lorsqu'ils sont arrivés au bord de mer, à l'endroit où ils se sont mis à attendre, Quraysh, sachant qu'ils ont patienté près d'un mois dans cette situation. Ils ont patienté près d'un mois dans cette situation, le temps de partir, le temps d'arriver et de revenir à Al-Madina. Arrivés au bord de mer, Allah Azza wa Jalla leur a accordé un grand secours. Ils ont trouvé un mada, une baleine. Non, une baleine qui s'est échouée, une baleine morte qui s'est échouée sur la côte. Et ils ne savaient pas comment agir. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était de la viande morte. Pour eux, c'était de la viande morte. Est-ce qu'en islam, on a le droit de manger de la viande morte qui n'a pas été sacrifiée? Oui ou non? Cette baleine, elle est halal ou elle est haram? Hein? Elle est halal ou elle est haram? Elle est halal? Abu Ubaïda radiallahu anhu, na'am, et sahaba n'ont pas voulu manger dans un premier temps. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est de la viande et c'est de la viande morte. Est-ce qu'en islam, la viande morte, c'est halal ou c'est haram? C'est haram. Donc cette viande-là est haram? Elle provient de la mer. Donc, Abu Ubaïda leur a dit, mangez, car vous êtes dans un cas de force majeure. Abu Ubaïda radiallahu anhu leur a dit, mangez, car vous êtes dans un cas de force majeure. Mais en réalité, c'est halal à la base. Pourquoi? Parce que ça fait partie de Saïdul Bahar. Tout ce qui provient de la pêche, ce qui vient de la mer, c'est halal. C'est licite. Mais ce qui provient de la terre, si ça n'a pas été sacrifié, la viande de la terre qui n'a pas été sacrifiée, ça c'est haram, tu ne peux pas le manger. Mais comme la baleine vient de la mer, c'était licite à la base même, mais eux ne le savaient pas. Ni Abu Ubaïda, ni ses compagnons, radiallahu anhu. Il a donc fait un effort de réflexion, un ijtihad et il leur a dit mangez-en car vous êtes dans un cas de force majeure. La bête était tellement énorme qu'ils arrivaient à se mettre une dizaine dans le creux de l'œil. Vous comprenez l'image ou pas? Fahimt Abdelhabib? Yani, la taille de l'œil, du creux, na'am, était tellement énorme qu'une dizaine d'hommes tenaient assis dans ce creux-là. Une dizaine d'hommes tenaient assis dans le creux. Alors qu'auparavant, ils mangeaient quoi? Ils mangeaient des feuilles. Allahu Akbar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Et ils en ont mangé. Quand ils coupaient un bout, c'est comme s'ils prenaient un taureau. Na'am? Quand ils coupaient un bout, c'est comme s'ils prenaient un taureau et ils mangeaient. Et ils mangeaient, et ils mangeaient, et ils mangeaient, jusqu'à ce qu'ils ont pris du poids. Jusqu'à ce qu'ils aient grossi. Voilà. Et ils ont attendu Quraysh dans cette situation. Mais ils ont mangé, Allah subhanahu wa ta'ala les a renforcés par cette viande. Par la suite, ils sont rentrés et n'ont pas rencontré Quraysh et ils ont emporté avec eux de la viande. Du poisson. Ils ont emporté avec eux du poisson. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus, il leur a demandé pourquoi est-ce que vous avez autant tardé. Et ils ont raconté l'histoire et l'histoire de ce gros poisson. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Kulu rizqan akhrajahu Allah. Mangez, voici une subsistance qu'Allah vous a fait sortir. Mangez, voici une subsistance qu'Allah vous a fait sortir. Quant à Abu Ubaida, il leur avait dit auparavant Kulu wa qad ittirtum fakulu. Ils ont donc mangé de cela. Le prophète alayhi salam leur a dit s'il vous en reste, mangez et faites-en manger. Et on tire de ce hadith Mada que ce qui provient de la mer, même si c'est de la c'est une bête qui est morte, Mada c'est licite car ça rentre dans Saïd al-Bahar et non pas dans la bête qu'on chasse sur la terre. Après cela, il y a eu al-umratu wa sulhu ou bien umratu wa sulhu al-hudaybiyya. Et inshallah ta'ala, on commencera cela la semaine prochaine, inshallah ta'ala. وبعد فإن أحد الإخوة طلب طلبا حكيما وسؤالا وجيها فقال أنا مبتدئ وأريد أن أعرف بماذا أبدأ وماذا أدرس وما هي الكتب التي يمكنني أن أستفيد منها إلى غير ذلك. Ceci étant dit, un autre sujet, un frère a posé une question sage et intelligente. Et pour la plupart d'entre nous, elle nous concerne. Cette question est, je suis débutant et je commence dans l'apprentissage de la science. Quels sont les conseils qu'on peut lui adresser? Quelles sont les matières qu'il doit étudier? Et quel livre il peut commencer à acheter, desquels il pourra profiter. Les ulama ont été souvent questionnés à ce sujet, comme Cheikh Salah Fawzan et d'autres parmi les ulama. Et la réponse à ce sujet est connue et répandue. La première chose par laquelle doit commencer celui qui recherche la science, c'est tashihu an-niyya, تصحيح النية. C'est la purification de l'intention. C'est la purification de l'intention. يقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئٍ مَا نَوَى. La première chose est la purification du cœur et de l'intention. C'est-à-dire que la personne doit purifier son cœur et la raison qui la pousse à rechercher la science. Elle doit rechercher la science pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer seul d'un culte sincère avec cette science. Connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le copier et suivre sa voie, ou être, connaître l'islam pour l'appliquer. Donc il apprend, non pas pour qu'on fasse ses éloges, non pas pour obtenir un statut ou autre, ou recevoir les éloges de ses camarades ou autre, mais plutôt à la recherche de l'agrément d'Allah, pour entrer dans son paradis, vaste comme les cieux et la terre. Il apprend et il garde dans son cœur et entre ses yeux la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Suratul Bayyinah, et il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion droite. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous rapporte Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, comme le mentionne Al-Bukhari Muslim dans le recueil authentique de hadith, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. C'est-à-dire la considération de l'action, la considération de l'acte chez Allah comme étant une bonne action, une mauvaise, une action acceptée ou non, se fait selon l'intention de la personne. Et pareillement, pour la rétribution bonne ou mauvaise, elle a lieu selon l'intention de la personne. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est purifier ce cœur et rechercher la science pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait peur de rechercher la science pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous avertit même, il nous informe même que les trois premiers qui feront le combustible de l'enfer sont un homme de science, savant du Coran ou lecteur. Et cet homme-là, on va l'amener à comparaître yom al-qiyam. On va lui faire reconnaître les bienfaits d'Allah. On lui dira: qu'est-ce que tu en as fait? Il dira: j'ai lu le Coran pour toi, ya Allah. Il a recherché la science pour Allah. Et on lui dira: kadabt, tu mens. Walakinaka fa'alta hadha liqalu fika qari, tu mens, mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi le lecteur. Waqad qil, et en effet on l'a dit. Et yani, ce qu'il recherchait dans Dunya, c'était la mention des gens, les éloges des gens. On lui dit waqad qil, et ce pourquoi tu l'as fait, ça a été dit. Et dans Dunya tu as recherché cela, tu l'as. Et aujourd'hui tu n'auras aucune récompense. On va appeler les anges et ils vont se saisir de lui et il va être jeté en enfer. Ça, c'est une personne de science. Ça, c'est une personne de science qui, en apparence, personne qui sort de chez lui à la recherche du ilm, qui mémorise le Coran, qui lit le Coran. Non. Mais lorsque l'intention a été mauvaise, toute l'action a été corrompue. Parce que le cœur est observé par Allah subhanahu wa ta'ala et son contenu dévoilé yom al-qiyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes Allah ne regarde pas vos apparences ni vos corps, mais il regarde plutôt vos cœurs et vos actions. Vos cœurs et vos actions. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit: Yawma tubla sarair, le jour où les choses cachées seront dévoilées. Wa bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. On nous dit aussi que le contenu des poitrines seront sortis. Le contenu des poitrines seront sortis. Donc les choses qui étaient cachées fil dunya dans les cœurs, yawm al-qiyama, ils seront dévoilés et ils seront apparents. Et Allah Azza wa Jalla va juger sur cela. Allah Azza wa Jalla va juger et rétribuer sur cela. Dans dunya, nous n'avons les uns des autres que l'apparence. Et c'est sur cela qu'on se base. Pour voir un tel est droit, un tel n'est pas droit, un tel est pur, un tel n'est pas pur. Quant à l'intérieur, on l'abandonne à Allah Azza wa Jalla. On l'abandonne à Allah Azza wa Jalla. Celui qui nous laisse paraître le bien, on a une bonne opinion de lui. Celui qui nous laisse apparaître le mal, on a une mauvaise opinion de lui. C'est ce sur quoi étaient les sahabes après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce sur quoi nous sommes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais yawm al-qiyama, le contenu sera dévoilé. Le contenu sera dévoilé. Donc la première chose, c'est tashihu an-niyya. C'est la purification de l'intention. La purification de l'intention. Quant à ce par quoi la personne elle commence, huwa yabda bil aham fal aham bima yusamma bi at-tadarruj. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit que la douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. On ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Et cela nous amène au deuxième point, c'est at-tadarruj dans l'ilm, le fait d'avancer graduellement, petit à petit, en commençant par les choses les plus importantes vers les choses importantes. Tu commences du plus important vers l'important. وَأَعْظَمُ مَا يُتَعَلَّمْ وَيُتَفَقَّهُ فِيهِ هُوَ تَصْحِيحْ الْمُعْتَقَدْ تَصْحِيحْ الْمُعْتَقَدْ. Le deuxième point, c'est de commencer par les sciences les plus importantes, puis les sciences importantes. Et tu commences par les petites questions avant les grandes questions. Tu commences par les choses simples avant les choses plus difficiles. Donc tu commences par quoi? Par ce qui traite de la purification de la croyance. Tu commences par l'aqidah. Tata'allam al-aqidah as-sahiha. Aqidah ahli sunnah wal jama'ah. Al-mustafada min al-Qur'an kalam rabbina wa sunnah. Ahadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu commences par l'apprentissage de la bonne croyance. L'apprentissage de la bonne croyance, parce que c'est la base. Et c'est ce par quoi les actions seront acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce par quoi tu seras préservé de l'enfer. Ce par quoi tu auras ta place, inshallah ta'ala, par la grâce d'Allah et son bienfait, au paradis. Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والجنة حق. طيب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان min al-amal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah, seul, sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, et que Isa est son serviteur et messager, et sa parole insuffle à Maryam, et une âme émanant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, il lui sera dit: entre au paradis selon tes actions. Yani, il sera il l'entrera au paradis selon ses actions. Dans notre explication, quelles que soient ses actions. Les ulama nous disent, voici un des hadiths du prophète alayhi wa sallam, les plus généraux dans la bonne croyance. Et un des mérites de la bonne croyance ici qu'on trouve, c'est quoi? Dakhal al-janna ala makana min al-amal. Il entrera au paradis selon ses actions. Selon ses actions. Donc, celui qui apprend l'aqidat al-sahiha se sera concentré sur la base, sur la cause de l'entrée au paradis et la préservation de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, avant cela dans le Coran, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ففي الآية إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله عز وجل dans le Coran nous montre les points principaux qui font partie des piliers de la foi, le fait de croire en Allah, le fait de croire aux anges, aux livres révélés, aux prophètes, aux messagers, le fait de croire au destin, soit favorable ou défavorable, le fait avant cela de croire au jour dernier, ça c'est la bonne croyance. Ça c'est la bonne croyance. Tu dois étudier cela et développer cela. Car Allah Azza wa Jal n'accepte pas d'acte d'adoration de celui qui a une mauvaise aqidah. Pour que l'acte soit accepté chez Allah Azza wa Jal, il faut que tu aies la croyance. Il faut que tu aies l'aqida, il faut que tu aies une bonne croyance, que tu aies comme croyance qu'Allah Azza wa Jal est le maître des mondes, le seul à mériter entièrement l'adoration. Que tu crois aux anges, aux livres révélés, et le dernier c'est le Coran, tu dois le suivre et l'appliquer. Les messagers envoyés, le dernier c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Donc tu dois étudier les bases. Et tu commences pas donc par la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de l'islam. Ça c'est très important. Tu dois mettre tes efforts dans cela. Lorsque la personne a étudié la base dans l'aqidah, et comme livre qu'on peut recommander dans cela, al-usul al-thalathatul usul, al-qawaid al-arba'a, كتاب التوحيد العقيدة الواسطية لمعة اعتقاد نعم ces livres là lorsque la personne les a étudiés et les a compris, elle aura un grand bien d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce domaine. Celui qui maîtrise الاصول الثلاثة الاصول القواعد الأربعة كتاب التوحيد, il aura une grande connaissance du tawhid al-uluhi, une grande connaissance en tawhid al-uluhiyya dans beaucoup de bases. Et il ajoute le ma'atu i'tiqad, l'aqidat al-wasitiyya, il aura une grande connaissance dans l'aqidat d'ahl-sunnah et dans la croyance. Na'am, ainsi il aura uni entre les livres de tawhid. Quand on dit les livres de tawhid, c'est plus porté sur tawhid al-uluhiyya. Et les livres de aqidah, c'est plus penché, ça penche plus vers l'asma al-sifat. Na'am, les piliers de la foi. Et les questions religieuses dans lesquelles les gens de l'innovation nous ont contredit. On appelle ça Kutubul Mu'taqad ou bien les livres de Aqida. Na'am. Donc, ce sont des livres qu'on doit avoir. Ce sont des livres qu'on doit étudier auprès des savants si c'est possible. Ça n'est pas possible auprès des étudiants Talabat al-ilm min ahli sunnati wal jama'a. Tout en questionnant sur ceux qui nous posent problème et en revenant au savant autant que possible, et celui qui n'en a pas la capacité, alors il prend un intermédiaire, un étudiant ou une personne qui vit auprès des ulamas, auprès des ulamas. Ça c'est la première chose. Tout ce qui a trait à la croyance, tout ce qui a trait à la purification de la croyance, c'est-à-dire le bien que l'on doit croire et le mal qu'on doit duquel on doit se préserver pour pas entacher cette bonne croyance. Aussi, parmi les sujets les plus importants, après cela, le fait de connaître la méthodologie à emprunter dans ce bas-monde, qui n'est autre que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. le talib ou l'ilm, celui qui recherche la science, il doit savoir où aller, avec qui marcher, et qui ne pas fréquenter, et de qui il ne doit pas prendre. Il doit savoir que sa base, c'est le Qur'an. C'est la sunna. Et qu'il doit comprendre cela comme les compagnons l'ont compris. Celui qui est sur une bonne croyance et qui suit le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, il se doit de le prendre en fréquentation. Il se doit de s'entraider avec lui. Quant à celui qui s'éloigne du Coran, il s'éloigne de la sunna et il s'éloigne de la considération des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et de leur héritage, et qui a préféré choisir les chemins remplis de tortuosité et les chemins remplis de mada, d'égarement et d'exagération ou bien de laxisme, alors il ne doit pas prendre ces gens-là en fréquentation. Il ne doit pas prendre ces gens-là en fréquentation. Et il ne doit pas se diriger vers les gens donc des passions ou de l'innovation et toute autre personne qui va obstruer ce chemin, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en temps de trouble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le remède lorsqu'il nous dit innahu mayyash minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, le prophète alayhi salat wa salam a informé des troubles qui viendront dans le futur. Et il a dit aux compagnons, celui qui parmi vous vivra, celui qui vivra parmi vous verra de nombreux troubles, de nombreuses divergences. Cramponnez-vous donc à ma sunna, c'est qu'à la sunna des califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et faites attention aux nouveautés, car toute nouveauté est innovation, toute innovation est égarement. Donc, tu dois faire attention lorsque tu apprends la science, qui est-ce que tu prends comme compagnon et d'où est-ce que tu vas puiser cette science. Ton compagnon, il doit être sahib al-sunnah. Et celui de qui tu prends la science, pareillement, il doit avoir étudié. Et il doit avoir étudié, car une personne qui n'a rien ne peut donner et ne peut transmettre. Donc ça, c'est un des points les plus importants. C'est un des points les plus importants. Après le domaine de la purification de la croyance, tu vas apprendre le domaine du fiqh, le domaine de la jurisprudence, en commençant par fiqh al-tahar ou fiqh al-salah. Puis, selon ta situation, tu devras apprendre ce qui t'incombe de savoir. Ce qu'il t'incombe de savoir. Donc, concernant le fiqh, tu vas apprendre en premier lieu tout ce qui a trait à tes adorations journalières. Tu vas apprendre ce qui a trait à tes adorations au quotidien. Donc, prends une journée type et pose-toi la question, en un jour, qu'est-ce que tu fais? La priorité, c'est la salat. La priorité, c'est la salat. Non. Donc toi, lorsque tu te lèves, tu dois faire la purification. Avant une salat, il y a la purification. Donc tu dois étudier la purification. Tu dois étudier el-miya, l'eau avec laquelle tu peux te purifier, tu peux faire el-wodo. Tu dois savoir ce que sont les impuretés, tu dois savoir comment faire el-wodo. Tu dois savoir ce qui annule el-wodo. Tu dois savoir comment faire el-rossi. Tu dois savoir ce qui rend obligatoire el-rousl. Naam, la femme, l'homme doivent aussi connaître ce qui est relatif au menstru et au lochi. Naam, et les différents types de sang. Quand est-ce que elle doit délaisser la salat et suya? Quand est-ce que son mari ne peut pas l'approcher? Et si elle a des ménorrhées ou autres ou un écoulement anormal, comment est-ce qu'elle doit se comporter? Si en dehors de sa période, elle voit un sang, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle ne prie pas? Est-ce que son mari peut l'approcher ou non? Tout cela doit être étudié. Tout ce qui a rapport avec la purification doit être étudié. Après cela, la prière. Yani d'abord être tahara parce que c'est miftah al-salah, parce que c'est la clé de la prière. Ensuite, tu apprends la ma'adha concernant la salat, que ce soit fiqh al-salah, que ce soit al-kayfiyya, que ce soit les différentes salawat, que ce soit les heures, que ce soit les conditions, les piliers, les obligations, comment est-ce qu'elle se corrige si tu te trompes, celui de sahou, il y a tous les détails relatifs à la prière. Quant au fiqh, un des meilleurs livres pour commencer, il y a Minhaj al-Salikin d'Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Minhaj al-Salikin d'Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Et quant au livre de Ahadith, quant au livre de Ahadith, il y a Umdatul Ahkam et Bulur al-Maram. Umdatul Ahkam et Bulur al-Maram. Puis la personne devra apprendre selon sa situation. S'il est riche, il devra étudier Az-Zakat. S'il a des biens desquels il doit s'acquitter de la zakat, il devra étudier Az-Zakat. Et dans le cas où il n'a pas de biens desquels il doit s'acquitter de la zakat, il n'est pas dans l'obligation, lui, personnellement, d'étudier Az-Zakat. Puis, il arrive au 9e mois de l'année, il y a le mois de Ramadan. Donc, il doit étudier Fiqh Ramadan. Il doit étudier yani, comment jeûner. Pour qui est-ce que c'est obligatoire de jeûner? Shurutul wujub. Naam. Il doit savoir quelles sont les conditions pour que son jeûne soit obligatoire. Shurutul siha. Il doit apprendre ce qui annule le jeûne. Al-mufattirat. Il doit apprendre le temps du jeûne, quand est-ce qu'il, jusqu'à quand est-ce qu'il peut manger, ainsi de suite. Et tous ces détails-là, il doit les étudier. À partir du moment où on t'ordonne une adoration dans le dîn, on t'ordonne sa connaissance avec. On t'ordonne sa connaissance avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. Donc, à partir du moment où tu as une obligation religieuse, tu es obligé de l'étudier. Au minimum, par Allah, fas'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lam. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas, c'est-à-dire les gens de science. Tu ne dois pas adorer Allah Azza wa Jalla avec ignorance. Parce que parmi les points les plus importants, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tu dois étudier avant la parole et les actions. C'est-à-dire avant de faire, tu dois connaître. Car Allah nous dit dans le Coran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit, فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ. Allah dans le Coran, dans surat Muhammad, nous dit, sache qu'il n'y a point de divinité véritablement digne d'être adorée, excepté Allah. Et demande pardon pour tes péchés et ceux des croyants et des croyantes. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit qu'il faut commencer par la science avant la parole. Et il nous cite ce verset. Et il nous cite ce verset. Donc, chaque adoration, on doit l'étudier afin de la faire comme il plaît à Allah Azza wa Jalla. Et parmi ceux qui nous montrent également l'importance de cela, même le caractère obligatoire, est que parmi les grandes règles, le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal accepte que ce qui est fait sincèrement pour lui est en conformité avec la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est rapporté par le Bukhari et Muslim selon Aisha radiallahu anha, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. Celui qui innove dans notre ordre, c'est-à-dire notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, cette chose-là sera rejetée. C'est-à-dire qu'Allah ne l'accepte pas de lui. Donc, on nous dit à travers ce hadith qu'on comprend que pour qu'une action soit acceptée chez Allah, il faut qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que toi, tu vas pouvoir savoir si ton action est en conformité ou non? Avec l'étude, avec l'apprentissage, avec les questions adressées aux gens de science, min ahl al-sunnah. Ainsi, tu comprends l'importance d'étudier. Ainsi, tu comprends l'importance d'étudier. Avec cela, tu as l'obligation d'apprendre la langue arabe. Avec cela, tu as l'obligation d'apprendre la langue arabe. لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ عَلَى رَسُولِهِ الْعَرَبِيِّ عَلَى رَسُولِهِ الْعَرَبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَنُقِلَ هَذَا الدِّينَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ. نعم وكيف يمكنك الوصول إلى هذا العلم إلى القرآن الذي أنزل بلسان عربي مبين وإلى السنة التي تحدث عنها وعمل بها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وهو سيد العرب وأفصحهم إلا بتعلم اللغة العربية. نعم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Cette religion a été révélée en arabe. Le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée en arabe. Et il a été révélé sur son prophète arabe Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment est-ce que tu pourras avoir accès à la science si ce n'est en apprenant la langue arabe? Si ce n'est en apprenant la langue arabe. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que l'apprentissage de la langue arabe est une obligation. L'apprentissage de la langue arabe est une obligation. Inna ta'alluma al-lughati al-arabiyya fardun lazim. L'apprentissage de la langue arabe est une obligation. Pourquoi? Car ce qui ne peut se concrétiser avec une chose, ce dont la concrétisation d'une chose obligatoire ne peut se concrétiser si ce n'est avec une chose, cette chose elle-même est obligatoire. Cette chose elle-même est obligatoire. Donc on doit apprendre de la langue arabe ce qui va nous permettre de savoir ce qu'Allah veut de nous et ne veut pas de nous. Nous avons l'obligation d'apprendre de la langue arabe ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous et ce qu'il ne veut pas de nous. Et tu as l'obligation d'apprendre de la langue arabe ce avec quoi tu vas comprendre la shahadatan. Et ce avec quoi tu vas comprendre ce qui contredit la shahadatan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois comprendre cette kalima. Tu dois l'étudier, tu dois la comprendre. Tu dois savoir que al-ilah c'est le ma'lou al-ma'bout. Tu dois comprendre que la ilaha c'est al-nafi et illallah c'est l'ithbat. Et que la ilaha c'est nafi istihqaq al-ibadati ou al-uluhiyyati an kulli man siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois savoir que lorsque tu dis la ilaha, c'est le fait de renier, de rejeter le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Cette science-là est obligatoire. Et lorsque tu dis illallah, tu dois savoir que tu, après avoir rejeté le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, tu affirmes que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois comprendre ces termes-là. Tu dois comprendre lorsque tu dis ashhadu, ce que ça signifie. Et aussi lorsque tu témoignes de la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam, tu dois étudier ces choses-là. Naam, tu dois étudier ces choses-là et mettre des efforts autant que possible selon ta capacité dans l'apprentissage de la langue arabe. Aussi, parmi les choses que tu dois étudier, il y a at-tajwid. Il y a ce qu'ils appelaient jadis i'rab al-Qur'an. I'rab al-Qur'an, c'est-à-dire la capacité de lire le Qur'an d'une manière correct. Ils appelaient cela i'rab al-Qur'an, le fait de lire le Qur'an d'une manière correcte. D'une manière correcte. Donc tu dois apprendre à lire le Coran. Et tu dois corriger la lecture de l'Fatiha. Car c'est un pilier de la prière. Tu dois réciter Sourate al-Fatiha et corriger Sourate al-Fatiha. Naam. Même si tu es en âge, yani, d'être grand-père. Naam. Rien, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tu prends place devant une personne qui lit correctement le Coran et qui est apte à te corriger. Et tu lui récites al-isti'adha, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, et ensuite bismillahir rahmanir rahim, et ensuite alhamdu, et tu lui récites et il te corrige et vous vous entraidez dans ce bien-là. Et vous vous entraidez dans ce bien-là. Na'am. Et nous-mêmes avec notre faible niveau, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on récite sur des gens qui ont mémorisé et qui nous corrigent et qui nous orientent. Na'am. Et lorsqu'on fait une faute, ils nous disent ici, tu fais une faute. Et on les remercie pour cela et on corrige notre récitation. Car ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et ce par quoi la prière est valide. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal et ce par quoi la prière est valide. Donc tu dois apprendre à lire le Coran. Na'am. Et tu dois corriger la lecture d'El Fatiha particulièrement. Et tu étudies ses sens. Tu apprends les invocations obligatoires dans la salat. Tu dois apprendre les invocations obligatoires dans la salat. En recours, avant de descendre en recours, après le recours, en se relevant, en soujoud, en se relevant, position assise, at-tashahud al-awwal, at-tashahud al-akhir, tout ce qui fait partie de la salat et qui est obligatoire, ou pilier ou autre, tu dois l'apprendre. Naam, tu dois l'apprendre. Après cela, la personne ne doit pas occulter tout ce qui est relatif au noble comportement. Elle doit étudier tout ce qui est relatif au noble comportement. Non pas que cela est plus important que beaucoup d'autres sciences comme Mustalah al-Hadith, comme Usul al-Fiqh, comme Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, comme Usul al-Tafsir et d'autres sciences. Naam. Mais on se rappelle ce point qui peut être oublié par certains. La personne se doit d'apprendre les droits et les devoirs. Quant à Haqqullah, il l'étudie dans Kutub al-Tawhid. Haqqur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on l'a mentionné. Mais elle va étudier les droits des parents. Ainsi, elle va purifier son comportement. Elle va étudier le droit Haqqul Abna, Haqqul Jar, Haqqul Zawjain, Haqq Mada, Yani Al-Ulama, Haqqul Muslim. La personne va étudier le droit du prophète alayhi salatu wassalam, elle va étudier le droit des parents, le droit des voisins, le droit des enfants, le droit des époux, le droit des proches, le droit des voisins, le droit du musulman sur le musulman et le droit des autres de manière générale. Ainsi elle va corriger son comportement. Ainsi elle va corriger son comportement. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a écrit un livre Al-Adab al-Mufrad. Al-Adab al-Mufrad qui est un excellent livre. Il a commencé par Birul Walidayn, la bienfaisance envers les parents. Comme s'il nous adressait un message en disant, celui qui n'a pas de bon comportement envers ses parents n'a pas de bon comportement. Celui qui n'a pas de bon comportement envers ses parents n'a pas de bon comportement. Donc il commence par des chapitres sur Birul Walidayn. Et dans Sahih Bukhari, on trouve à peu près yani, la même chose dans ce chapitre. Il commence par plusieurs ahadiths, tous sur la bienfaisance envers les parents. La personne doit étudier les terminologies qu'il trouvera dans les cours. Dans les cours, il entendra sahih, il entendra hadith da'if, il entendra marfou', il entendra mursal, et ainsi de suite. Pour comprendre la langue des savants, il lui faut étudier mustalah al-hadith. Aussi, il entendra wajib, et il entendra mandoub, et il entendra muharram, il entendra mubah. Pour comprendre cette terminologie, il devra étudier usul al-fiqh. Naam. Donc, il se devra d'étudier la terminologie des bases du hadith. Et il devra également, pour savoir si les hadiths sont authentiques ou pas authentiques. Aussi, il devra étudier les bases de Mada, la jurisprudence, pour comprendre les termes utilisés par les savants lorsqu'ils disent c'est obligatoire, c'est recommandé, c'est détestable, c'est permis, pour comprendre les ulama. Naam. Car pour qu'une action soit validée, il faut dans un premier temps que dans la chaîne de transmission, ça soit authentique. Ensuite, comprendre le hadith et tirer les règles du hadith. Et pour cela, il nous faut ces deux sciences-là. Mustalah al-hadith et usul al-fiqh. Avec mustalah al-hadith, il va savoir que le texte est authentique. Avec usul al-fiqh, il va pouvoir comprendre et tirer les qawaïd du texte. Et lorsque les savants vont le faire pour lui, il va comprendre. Lorsque les savants vont le faire pour lui, il va comprendre. Donc voici Mada, une introduction sur ce sujet. Et Talibul Ilm, celui qui recherche la science, en plus d'être sincère, il doit être mutawadi, il doit être humble. Plus il augmente ses connaissances, plus il doit être humble parce qu'il découvre de son ignorance. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit tawadahu ya ibadallah inna allah marakum an tatawadahu et aussi man tawadaha lillah rafa'ahu allah. Allah azza wa jalla, le prophète nous dit qu'Allah nous ordonne d'être humble. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui est humble pour Allah ou se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Donc celui qui recherche la science, il ne recherche pas la science pour se mettre au-dessus des autres ou écraser les autres ou débattre avec les autres. Non. Lui, il étudie pour adorer Allah Azza wa Jal. Puis si Allah lui facilite à transmettre, il transmet. Naam, il transmet. Mais il ne devra pas utiliser cette science-là pour nuire et pour s'enorgueillir et pour que les regards soient dirigés vers lui. Donc celui qui apprend, il aura une grande noblesse, mais il doit connaître sa place, il doit connaître son niveau, il doit savoir que tout bien qu'il a acquis, tout bien qu'il a appliqué, tout bien qu'il a transmis, et toute nuisance sur laquelle il a patienté, ceci est uniquement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans Allah, il n'aurait rien appris, rien connu, rien transmis. Ça, c'est une chose qu'il doit toujours garder en lui. Il ne doit pas laisser les éloges des gens le distraire de son but. Il ne doit pas laisser les éloges des gens le faire changer, naam, ou faire une chose en plus, ou délaisser une chose. Mais ce qui le fait bouger, ça doit être qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il connaît la vérité, il la propage. Il connaît le bien, il invite les gens à ce bien. Il connaît le mal, il avertit contre ce mal-là. Et il ne dit pas parce qu'on va accepter de lui. Et il ne cache pas parce qu'il pense qu'on va pas accepter de lui. Non, il dit ce qu'il faut dire. Et c'est lui qui a la science. Et c'est lui qui doit orienter. Quant à celui qui accepte, alhamdulillah. S'il accepte, il accepte pour lui. Quant à celui qui accepte pas, ou ensuite qui tente de le toucher d'un mal, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ. C'est Allah Azza wa Jal qui te suffit. Donc lorsque tu apprends et que tu te réformes, tu dois ensuite transmettre. Et quand tu transmets, tu dois être endurant sur les nuisances que tu vas rencontrer dans le chemin. Tu ne dois pas abandonner parce qu'on te fait du mal ou parce qu'on veut te décourager ou parce qu'on va mentir sur toi ou t'agresser ou autre. Non. Le message que tu portes est bien plus lourd que cela. Tu portes le message qui est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallatu wassalam, on a parlé sur lui, on a menti sur lui, on l'a agressé, on a même essayé de l'assassiner. Mais au jour d'aujourd'hui, où est son prêche? Il est propagé dans le monde entier parce qu'il a été endurant et Allah azza wa jal a voulu yani propager. Et bien sûr Allah azza wa jal a voulu propager ce bien. Donc celui qui cherche la science doit avoir cette qualité-là. Et il doit avoir un sabr al-istibar. Il doit être endurant. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Il doit être endurant. Car le chemin de la science est très long. Le chemin de la science est très long. Naam. Donc, yani il faut se déplacer, il faut apprendre, il faut écrire, il faut mémoriser, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, il faut arranger, yani organiser son temps. Et il ne pourra pas tirer les mêmes, profiter pareillement que les autres de telle activité ou de tel loisir, parce qu'il veut encore de la science et encore. Donc ça, c'est un choix. Si tu choisis ce chemin-là, il faudra te montrer endurant. Celui qui étudie doit avoir comme but l'amal, la mise en pratique. Il doit avoir comme but la mise en pratique. Car celui qui étudie juste pour étudier, qu'il sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk » Le Qur'an, c'est une preuve pour toi ou contre toi. Et Allah dit dans le Qur'an « Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun » Allah dans le Coran, dans sourate Al-Baqarah et dans sourate Al-Saf, nous dit « Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre ? Ne réfléchissez donc vous pas. » Tout comme il nous dit « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Donc celui qui étudie, il doit faire, puis il doit transmettre. « هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين » والله أعلم وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم أجمعين العلم النافع وبالعمل الصالح فأتقبل منا صالح الأعمال وأنفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك